Le juste prix présenté par Philippe Risoli, bien sûr, c'est du lundi au dimanche. Vendredi ? Non, au vendredi, avant c'était du lundi au dimanche. Alors avant c'était du lundi au dimanche, voilà. Avec la super finale le dimanche, hein, Carmen, avec la fameuse vitrine qu'il fallait estimer, il y avait deux gagnants, il y avait une superbe vitrine qu'on voyait, qui avait un thème toutes les semaines, et au jour le jour, on voyait quelques objets. On voyait un gros cadeau qui allait alimenter cette fameuse vitrine qu'il fallait estimer à la fin en francs. Voilà. Hein, Carmen ? Oui. Et pensant. Et la production a eu l'idée de dire, tiens, bon, on va réduire un petit peu, ça fait longtemps que ça dure, donc on va réduire du lundi au vendredi. Et plutôt que de faire donc une super vitrine le vendredi, on va en faire une tous les jours différente. Et là, forcément, Carmen, pour les fans du Juste Prix et de Philippe Risoli, Dieu sait s'ils sont nombreux. Ils sont encore plus nombreux maintenant depuis qu'il a fait de la musique. Donc ça rassemble encore plus. Philippe Risoli rassemble encore plus. Parce que maintenant, il y a les amateurs de télé et les amateurs de musique. Il y a forcément les pros, des fans de ce qui était avant le Juste Prix, et les fans d'aujourd'hui qui trouvent que la version est meilleure. Alors d'abord, Sandy, qui apprécie encore aujourd'hui le Juste Prix avec sa nouvelle formule, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Bah déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que le Juste Prix, bon, avant c'était plus facile de pouvoir gagner des cadeaux, mais maintenant je trouve que les candidats, ils ont plus de difficultés à... ils ont plus de difficultés à... Pourquoi tu dis non ? Attends, bah, finis ce que tu as dit, après Gérard va dire pourquoi. Ils ont plus de difficultés à trouver surtout la vitrine à la fin de l'émission. C'est plus difficile pour toi ? Ouais, c'est plus difficile. Toi, c'est parce plus qu'ils compliqué. Ont une marge d'erreur. Et par exemple, s'ils ont 5 000, ils tournent une roue. Et une fois qu'ils ont tourné la roue, ça peut être à 5 000, 10 000 ou voire 20 000. Non, mais attends. Là, débalancer la machine est lancée. Toi, tu mélanges Gérard, les torchons et les serviettes. Alors, prends le micro, Gérard. La marge d'erreur est faite une fois que les deux candidats ont tourné la roue. T'as une première partie, il y a un candidat qui tourne la roue. C'est le meilleur score, d'accord ? Là, tu confonds. Deuxième partie, t'as une deuxième roue. T'as donc une deuxième partie de candidats. Donc, ils sont 6. La marge d'erreur se paie une fois qu'ils ont vu la vitrine. C'est-à-dire, il n'y a que deux cadeaux à estimer. Donc, la marge d'erreur, c'est entre 5 000 et 20 000 francs. C'est pas avec la roue. La roue n'a rien à voir. La roue, c'est pour faire le meilleur score. D'accord. Mais tu sais, ils ont une marge d'erreur. Oui, mais c'est à la fin. Eh ben, pour estimer la marge d'erreur, il faut bien qu'ils tournent une roue. Non, ils appuient sur un bouton. Ah oui, c'est vrai, c'est le bouton, t'as raison. Et heureusement, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Françoise et Gérard ne sont pas forcément fans du nouveau concept. Sandy, elle l'est, mais Sandy connaît moins. Voilà. Non, mais c'est parce que j'ai confondu... Mais t'as confondu la roue et le bouton. Mais faut pas confondre une roue et un bouton. Non, c'est pas pareil. Gérard, Fildar, tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose concernant le Juste Prix, on t'écoute. Bah, moi, c'était plus au niveau de... Tu disais que le Juste Prix rajeunissait. Ils ont peut-être voulu rajeunir. Oui, non, mais on peut dire aussi que ça rajeunit surtout au niveau des nanas qui présentent les cadeaux, parce qu'il y a une nouvelle. Hein, on parlait d'Alexandra, Alexandra Cave. Qu'on avait vu sur le net, qui était super bonne. Ouais. Et par contre, celui-là, tu l'as pas. Parce qu'il y a une nouvelle qui remplace justement Alexandra, qui en ce moment n'est pas là, donc elle doit être en vacances. Elle s'appelle Mylène. Ouais. Mylène, c'est une deuxième bombe atomique. C'est pas possible, il n'y a pas de chanson avec Mylène. Ah, je sais, c'est pour je ça que je suis en galère. Mais je t'ai niqué, c'est pour ça. Elle s'appelle Mylène, elle est blonde, elle est gaulée, pareil, quoi. C'est une bombe atomique. Ouais, mais elle vaut pas Alexandra. Et elle est sur Internet. Ah bah non, ça fait deux jours qu'elle est au Juste Prix. Ah d'accord, c'est okay. Pour ça que... Qu'est-ce que vous pensez de ça, Françoise, personnellement, le fait qu'ils mettent des mannequins comme ça, des filles magnifiques ? Bah, qu'est-ce que tu veux ? Ils sont obligés de choisir des belles nanas, mais bon, bah, c'est vrai que quand on a l'habitude d'une tête, d'un seul coup, nous faire changer d'une tête... Non mais Philippe, l'important c'est le genre lui-même et puis Philippe Risoli, donc ça ne bouge pas, ça. Attends, non, l'important c'est Alexandra pour les nichons, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Ouais. Et la madame silicone. Ouais. Bon, Françoise, toi personnellement, par rapport à la version d'avant où on avait la super vitrine moi, le dimanche je préférais, comme dit Gérard, je préférais l'ancienne version. Pourquoi ? Parce que, bon, bah, c'est vrai que on avait plus le plaisir de découvrir fur et à mesure les cadeaux du lundi au dimanche, que là, la vitrine, tous les jours... Je trouve, ou à moins que TF1 ils ont trop d'argent, parce que des fois c'est deux bagnoles qui distribuent comme ça, entre le Big Deal et Philippe. D'abord, avant de parler du Big Deal, j'irai te faire la comparaison. Est-ce que tu es d'accord avec elle, ce qu'elle vient de dire ? Ouais, moi je suis d'accord. Mais je me demande si au départ, ils avaient. Ils en ont pas en plein fait. Débat sur le Juste Prix à Nouvelle ils version. Ils en ont pas fait. Est-ce qu'ils en ont pas trop fait aussi TF1 avec les sponsors ? Ah, peut-être. Parce que regarde, avec la fouille. Il y a quand même, pas mal de sponsors dans. Il y a qui? Il y a But. Bon, on va pas citer toutes les marques. Non, mais c'est plus, les plus importants. Il faut les citer. Alors le But. Mais si, j'ai. Il y a qui? Pour la peinture. Qui ça? Qui c'est? Le roi Merlin. N'importe quoi, toi. Mais attends, le roi Merlin, c'est. Non, mais attends, Gérard, on est sérieux, parce que tu penses à... Non, attends, le roi Merlin, il n'y a pas de le roi Merlin dans la vitrine. T'as les sponsors, donc, t'as les sponsors de... La farfouille. T'as la farfouille, ouais. T'as tous les trucs, les voitures, tout ça, donc c'est pareil. Ouais. T'as les motos, t'as les grands voyages. Regarde un grand voyage, par exemple, si le mec, il tombe sur un voyage, admettons, à 30 000 balles. Ouais. TF1. Ouais. Bah attends, il y en a un qui est tombé quand même à 30 000 balles sur un voyage la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Gérard? Et moi, je trouve qu'un voyage à 30 000 balles, en plus, il a gagné non seulement le voyage, plus la vitrine. Oh, le salaud! Non, mais il fout de TF1 sur la paille, c'est ce que tu veux dire. Donc, alors, il a gagné non seulement le voyage, il gagne la vitrine. Donc, dans la vitrine, je ne sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait une bagnole, une décapotable. Hein, Françoise? Ouais, ouais. Il y avait une décapotable à plus de, je sais pas combien, donc... 100 000. Je pense, ouais. Mais moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse maintenant leur système. Est-ce que ça serait pas, par exemple, on peut très bien imaginer une marque de voiture qui déciderait comme ça dans les sphères, là où la haute direction, comme c'est eux qui donnent des bagnoles, par exemple, sans citer une marque, mais bon, voilà, Renault, par exemple, c'est eux qui disent un jour, tu en appelles monsieur téléphone, ou le mec du juste prix dit voilà, nous on est prêt à vous offrir des voitures, mais on veut modifier la règle du jeu, et que quelque part, ça serait des marques de voiture ou autres, ou But, qui décideraient, ou la foire fouille, qui déciderait des nouvelles règles de jeu. Bah, de toute manière, si c'est Renault le sponsor... Non, mais ça peut être la forfait, on va essayer de voir le poteau rose. Non, mais de toute manière, déjà, on peut pas mettre Renault, parce que Renault, il est souvent cité dans le juste prix aussi. Hein. Est-ce qu'on nous dit tout? Renault, il y a Opel, hein. Non, on va pas citer toutes les marques de voitures, parce que dans ces cas-là, on n'en finit plus. Alors, entre Opel, Renault, Nissan... Il y a des motos aussi, Nissan. Il y a des motos aussi. Ouais, il y a tout. Non mais moi je trouve que c'est bien con. C'est pas les sponsors qui gèrent le truc. Est-ce que c'est quelque part, est-ce qu'on va pas un jour découvrir le poteau rose? Bah disons peut-être qu'un jour on sera la magouille. Parce qu'on parle de Love Story tout ça, de la magouille, mais il y a peut-être de la magouille dans bah, de toute manière je pense dans que le décor. Non mais dans tous les jeux doit y avoir dans tous les jeux il doit y avoir de la magouille hein, de toute manière hein. Ouais, non mais depuis le début juste prix c'est But qui tire les ficelles hein. Parce que depuis ouais le début, mais regarde maintenant il y a But tu vois But non mais tu vois But dans le juste prix, tu vois But, attention à la marche. Ouais, avec Griezmann. C'est la même heure. Alors justement, très bien, Gérard a mis le doigt dessus, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Non. Alors But, non mais le fait de But, qu'il soit sponsor de deux émissions. Ouais mais c'est ça, mais But, bon, il donne des cadeaux moins importants que dans le juste prix. Père Rebecca, on parle. On va parler de comme un boudin. Parce que sinon on va mettre des gros boudins. Tu vois? Mais non, mais vous êtes bien parti, donc je non, mais Gérard, ça. Sérieusement, le fait qu'il y a But, t'as découvert le poteau rose, qui sont sur deux terrains en même temps, parce que quelque part, ça va pas être les nouveaux patrons de TF1 But. Est-ce qu'il y aura pas, par exemple, But présent du journal de 20h? Non, mais de toute manière, c'est déjà les sponsors sur deux jeux. Moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse qu'ils soient sponsors sur deux jeux. Ouais. Bon, déjà, regarde, la marche, on peut très bien imaginer But dans n'importe quelle émission, la marche du siècle. Non mais non même sur M6 demain peut-être qu'ils vont aller partout hein. Ouais, non, mais là, zone interdite présente, But présente, zone interdite. Non ben là moi je pense que c'est un peu trop et c'est tout. Magazine de la santé sur la 5. Non ben la foire fouille présente. Bon déjà il y a certaines émissions qui prennent Téléstar pour présenter le pour présenter leur truc donc moi je trouve que c'est un peu dégueulasse qu'il y ait des émissions qui servent comme ça de magasin. Pourquoi qu'ils n'ont pas pris Conforama, je sais pas, il y a plusieurs grandes surfaces pour avoir des sponsors. Castorama, il y avait quand même pas mal de choses. Non, hein, mais il y a Kiloutou. Le juste père qui donne le leader price. La classe. Non, mais Kiloutou. Bah ouais, pourquoi pas. Comme ça, tu loues un camion pour les ménages. Non, mais ça change au moins. C'est pas non, mais, moi, c'est ça qui fait varier. C'est pas la vitrine, je crois que t'as raison. Je sais pas ce qu'on pense Carmen. Elle écoute tout à l'heure peut-être religieusement. Et je pense que les auditeurs aussi. Je crois qu'en fin de compte, je crois qu'on y vient. C'est pas le problème du changement de jeu. Je crois qu'il faudrait que ça innove au niveau des sponsors. Il faudrait qu'il y ait une tournante. Voilà. Je pense que s'il y avait demain d'autres sponsors, il y aurait une autre idée. Par exemple, si demain c'était la foire, si demain c'était Kiloutou, donc ils auront envie de changer la stratégie. Ouais, mais ils n'ont pas donné les cadeaux si c'est Kiloutou, ils vont les reprendre à un moment donné. Ben oui, mais pourquoi pas louer des cadeaux, louer une vitrine. Tu loues la vitrine et puis pendant une semaine après tu la rends. Voilà, ouais, c'est pas bon. Bah ouais. Non, parce que là, moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Mais si tu fais gagner un tracteur le lundi, tu vois, tu loues un tracteur. Là, tu... Ouais, puis tu le récupères le vendredi. Non, mais ça peut être eux qui peuvent décider de la règle. J'aurais dit, voilà, nous, on a décidé que ça serait trois vitrines le lundi, aucune le mardi, deux le mercredi, quatre le jeudi. Non, mais moi je sais pas ce qu'en pense Françoise, mais je trouve que leur système là, qu'ils ont fait, moi, je trouve que c'est dégueulasse parce qu'il y a plus, au lieu d'avoir ces cadeaux. Plus le cadeau bonus comme il faisait le dimanche, c'est que maintenant t'as que deux cadeaux à gagner. Oui, mais il y a un gagnant par semaine. Oui, mais au lieu d'avoir un gagnant, t'en as cinq. Si, il y a plus de gens qui gagnent. Non, t'as que six. Au lieu de neuf, t'as que six personnes. Et sur les six, t'en as que deux qui gagnent. Ah, mais des vitrines, il y a plus de gens qui gagnent des vitrines. Non, la vitrine ne tombe pas tous les jours. Non, mais ils peuvent la gagner tous les jours. Ouais, mais à une condition qui soit pas en dessous, au-dessus du juste prix. Parce que quoi qu'il arrivait dans la version d'avant, il y avait quoi qu'il arrive un gagnant, non même pas. Non, s'ils étaient tous les deux au-dessus, ils gagnaient pas non plus dans la version d'avant. Avant la version d'avant, il y avait la marge d'erreur. Oui, mais la version d'avant était deux fois mieux. Parce que là, le suspense durait plus longtemps. Alors ça, on est d'accord. Je voulais aborder cette troisième partie, le suspense dans le juste prix. Et on y arrive, donc on est bientôt à la fin de ce débat, et c'est le point sensible, le suspense. Y a-t-il plus ou moins de suspense avec la nouvelle version ? Tu te bouffes les croûtes, Sandy ? Y a plus de suspense ou pas qu'avant ? Non, pas du tout. Sandy ? Bah, je pense que c'est plus difficile pour les joueurs, parce que c'est pas évident pour eux de trouver... avant, c'est vrai que, comme dit Gérard et Françoise, il y avait plus de suspense, c'est-à-dire que le jeu durait plus longtemps. Et toute la semaine, les gens pouvaient se dire, bah tiens, c'est lequel qui va gagner et tout ça. Même toi, tu peux te mettre à cogiter sur toi-même la somme que tu mettrais à la fin le dimanche, que tu participes au truc. Bah t'as envie de savoir, c'est un peu comme quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident pour eux, hein. Ils peuvent pas faire comme ils veulent. Hein. Est-ce que vous, quand il y avait la vitrine du dimanche soir, est-ce que vous aussi vous faisiez une estimation pour voir si vous auriez gagné à la place des gens? Ouais, Gérard, par exemple, est-ce que c'est arrivé d'être vraiment très proche du prix et de l'avoir gagné plus que le mec qui l'a gagné? J'étais plus du poids, j'étais proche. De souvenir, t'étais propriétaire de quoi à ce moment-là? T'aurais été propriétaire de quoi? Ah bah du tout, moi. C'est-à-dire, il y avait quoi? Tu te souviens d'une vitrine qui t'a marqué ou t'aurais dû la gagner? Celle de Cannes. Alors raconte-nous, qu'est-ce que t'aurais pu gagner si t'avais été le là, il y avait voiture avec chauffeur limousine, ouais. Hôtel 3 étoiles, comment tu l'appelles? Martinez. Ouais, voilà. Et t'avais 3 étoiles. Trois étoiles. Ah ouais, trois étoiles. Et tu pouvais. T'avais aussi l'invitation pour aller voir les films Festival de Cannes. Direct. Ouais, c'est ton larcène parce qu'il y a le micro, c'est ton casque. Et donc il y avait tout ça. Et ça, t'étais plus près. Ah ouais. C'était estimé à combien tout ça? Elle était estimée à 179 500 et moi j'étais à 178 000. Oh mon salaud, bravo. On peut applaudir à 1500 francs de la vitrine du juste prix consacrée au Festival de Cannes. Bravo. Et l'autre, elle l'avait estimé à. L'autre, il l'a estimé à 180 et puis la nana, elle l'a estimé trop haute, donc personne ne l'avait gagné. Ah, personne ne l'avait gagné celle-là. Et donc toi, tu étais payé. Il y avait le voyage aller-retour payé. Ouais. Les costumes pour le mec avec un smoking, la nana avec une robe de... une robe de soirée, la totale, quoi. Ouais, ouais. C'était le vrai conte de fées, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Quand tu montais les marches et tout, ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été bien. Mais donc t'étais peut-être le seul en France à avoir gagné, c'est un peu comme le mec qui gagne au loto, tu vois, où il y a un mec qui a pas joué, puis qui avait les bons chiffres, et puis personne n'a gagné la grande canette. Toi, t'étais peut-être le seul en France à avoir gagné ce truc-là? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que je me souviens d'une chose, je ne savais pas, c'est quand on était à Cannes. Là. Ouais, c'était des grands moments. Ouais, ouais. Bon, merci tout cas, Françoise, pour ce petit coup de gueule sur le juste prix. Merci. Non, j'ai pas fait un coup de gueule sur le juste prix. Hein. Non, on en a parlé, quoi. On en a touché un petit bout, quoi. Parlé, disons qu'il était bon d'en parler. Alors, si un jour, bien sûr, vous voulez, quand Gérard sera de nouveau avec nous, dans ce cas-là, on appellera Françoise, parce que jeudi, c'est l'anniversaire de Gérard, donc il sera là. On pourra peut-être aborder quelques sujets, parce qu'à mon avis, ça va donner aux gens envie de nous appeler. Donc, si vous voulez passer des coups de gueule sur des émissions de télé, ça peut être demain Pyramide, Qui est qui, le Big Bill, avec des nouvelles versions. S'il y a des jeux avec des nouvelles versions, par exemple, Motus aujourd'hui qui fait avec 6 mots au lieu de 5, je sais que ça a beaucoup perturbé les gens. Par exemple, des mots qui étaient au pluriel, ils rajoutaient 2 S au bout. Ça, c'est compliqué, c'est marthographe. Donc, tu vois, par exemple, tu disais, on va faire la fête au pluriel, les gens mettaient 2 S en pensant, tu vois, aux 3 S pour faire 6 mots, 6. Donc, c'était un petit peu, ça a perturbé beaucoup de gens. S'il y a des gens qui veulent réagir là-dessus, n'hésitez pas au 01 40 521 521. Bisous, Françoise. Bisous.